Les sentiments sont déjà passés. Les sentiments sont déjà passés. Oh très cher, oh très cher. Les sentiments sont déjà passés. Oh très cher, oh très cher. On peut dire que c'est affaire classée. Mais pourquoi as-tu laissé hier sur ton palier, au trésor, mon trésor, il est d'hier sans aujourd'hui. L'embrouille des affaires de l'autre côté, quoi bon plaider, négocier, elle est libre de s'en aller. Mais la flèche du bébé ailé a été tirée, amoureux et pour de vrai. Si elle savait à quoi j'aurais été prêt, elle serait sûrement restée, purement restée. C'est ce que je me dis après toutes ces années. La seule qui n'ait pas été broyée par mon cendrier. Pur sûr, I lose, j'ai perdu un être cher. Oh très cher, oh très cher, les sentiments sont déjà passés. Oh très cher, oh très cher, on peut dire que c'est affaire classée. Mais pourquoi as-tu laissé hier sur ton palier, au trésor, il n'est d'hier sans aujourd'hui. Appelle les pompiers, j'ai le cœur qui crame, le drame, la voir partir, et une de plus, active-toi, j'ai les regrets durs, les mains impures, le ghetto c'est dur, mais faire des sous c'est sûr, alors j'ai pris la sacoche, rempli mes poches, c'est atroce, tout ce gloss, un cœur de porcelaine, mais ouais j'ai la haine, pas dire de plus, je l'aime, et penserai à elle forever. Oh très cher, oh très cher, les sentiments sont déjà passés. Oh très cher, oh très cher, on peut dire que c'est affaire classée. Mais pourquoi as-tu laissé hier sur ton palier, au trésor, il n'est d'hier sans aujourd'hui.